Bon, je vous préviens tout de suite, vous êtes des cobayes des Duke Pop. Parce qu'en fait, c'est une présentation tout à fait improvisée. Et donc, c'est à peu près expliqué là. L'idée est venue en se rendant compte que le code du travail est un truc ultra compliqué que personne comprend. Et en plus, comme la propagande nous fait croire que c'est inutile, que ça fait du mal aux gentils patrons et que ça sert à rien et que ça rend les gens feignants, la grande tendance de la loi Uber Comrie et du reste, c'est quand même de dire, bon, on va le supprimer. Donc, pour essayer d'expliquer le code du travail, j'ai eu l'idée, en discutant un peu, de m'inspirer d'un code qu'on connaît tous beaucoup, même si on n'a pas le permis, c'est le code de la route. Hein, qui ne connaît pas le code de la route ici? Ah ouais? Bon, qui ne connaît vraiment pas aucun des panneaux du code de la route? Bon, quand même. Donc voilà, ça c'est quelque chose de familier, on en voit partout. Des panneaux du code de la route, donc l'idée, mais en fait, comme ça démarre, vous allez être mis à contribution, c'est de créer des panneaux du code de la route du travail. Et pour expliquer le code du travail, ça va? Alors la comparaison est un peu rapide, mais finalement, un gros camion sur une route, s'il n'y a pas un petit code de la route qui lui dit écrase pas les vélos, il a tendance à écraser les vélos. Ben, dans le monde du travail, c'est pareil. Des gens qui ont un peu le pouvoir, un peu d'argent, s'il n'y a pas des lois qui leur disent licencie pas les gens, les fait pas bosser 12 heures par jour, bah, ils le font. L'histoire montre ça. D'ailleurs, peut-être un petit rappel historique, j'ose, hein, mais j'ai que 20 minutes, c'est que le code du travail n'existe que depuis 1910. Et avant, il n'y avait rien. Les dispositions communs, hein, le droit romain, c'était un peu le droit des esclaves. Il y avait la Révolution française tellement portée au nu, en fait, elle a été assez catastrophique de ce point de vue-là, parce qu'avec la loi Le Chapelier, c'était l'interdiction des corporations qui revenait à interdire leur équivalent qui sont les syndicats. Les syndicats n'ont été autorisés qu'en 1864, vous voyez, donc bien longtemps après. Et puis il y avait le décret d'Allard qui disait qu'on était libre de faire ce qu'on voulait, y compris, vous savez, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est une liberté très efficace pour les renards et un peu désagréable pour les poules. Et donc, en gros, les renards, c'est ceux qui ont l'argent et qui embauchent des gens qui deviennent des poules. Et en 1900, alors le code du travail, oui, est arrivé par petits bouts en 1910. Et il y a eu des gros progrès ensuite. En fait, c'est une construction progressive. Ce qui se passe en ce moment avec la loi Uber Comrie, c'est une destruction du code du travail, mais qui n'est pas inéluctable, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. D'abord, la loi, elle n'est pas complètement passée. C'est encore un moment au Sénat et tout. Et puis ensuite, on peut penser qu'en s'informant mieux et en bougeant mieux, dans les années à venir, on fera en sorte que le droit du travail revienne. Alors, voilà le principe, hein, de cette présentation, donc sur laquelle vous êtes sollicité, c'est le code de la route, puisque vous le savez tous. Il y a cinq grands types de panneaux. Il y a les panneaux d'interdiction, hein, le rond rouge. Alors, par exemple, on peut prendre. Alors, je vais embaucher. Tiens, lui, je le connais pas, mais il a l'air fort sympathique. On va l'applaudir parce qu'il va se retrouver. Voilà, si vous l'applaudissez, il va venir. Voilà, donc. Anatole, que je connais à peine, spontanément, bénévolement, va donner un coup de main. En fait, l'idée, c'est d'accrocher avec des pinces à linge les panneaux qui suivent sur la suite. Voilà. Donc, un exemple de panneau d'interdiction, c'est celui-ci. Ça, c'est la loi Le Chapelier en 1792, c'est l'interdiction des syndicats. Ça vous va comme image ou pas? On comprend? Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est cool. Et vous êtes invité à refaire des panneaux là, il y a des feutres, il y a tout. Oui, mais bon, c'est exact. Les corporations ne sont pas les syndicats, merci. Mais il n'empêche, ça a été utilisé pour interdire les syndicats. Oui, mais c'est pertinent. Après, si tu as une idée de crobar pour faire des corporations après les syndicats, moi, je suis preneur. Hein. Je vous rappelle que je vous embête que 20 minutes, moins 5 minutes, ça fait déjà 5 minutes que j'ai commencé. Donc, dans 15 minutes, le débat s'ouvre et ce sera un débat dessiné. Il y a plein de feutres, il y a des supports papier et vous serez invités à mettre vos jolis dessins à l'intérieur des panneaux. Donc le deuxième modèle de panneau du code de la route qu'on connaît bien, c'est danger. Hein? Danger, alors un gros danger. Qu'est-ce que je peux vous faire comme danger? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire ce panneau? Ah non. Ah, donc il est mal fait. Hein? Celui qui l'a dessiné est très mauvais. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, si, je crois que je sais. Mais il est. Non, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire attention au burn-out. Attention au stress au travail. Non, c'est pas clair? On peut le refaire, hein, c'est ouvert. Et un autre panneau danger intéressant, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous voyez là? Travail de nuit. C'est dangereux le travail de nuit, hein. C'est parfois nécessaire pour les professions de santé, pour certaines professions de sécurité, mais on sait que ça abîme la santé à long terme. Donc quand on pousse les gens à bosser nuit pour des impératifs de rentabilité, on leur bousille la santé, comme il faut le dire. Un autre panneau d'alerte, c'est celui-ci. Par exemple, vous voyez quoi, là? C'est dans la loi Uber Khomri. Ouais, le référendum d'entreprise, hein. C'est une saloperie qu'ils ont inventée. Vous savez que normalement, dans les entreprises, il y a des accords qui se négocient avec des syndicats plus ou moins élus, a priori majoritaires. Et la loi Uber Khomri, elle s'est dit, comme les syndicats, ils sont un peu emmerdants, on va inventer un référendum. Comme ça, en faisant un peu de chantage à l'emploi, on dira aux employés, bon, votez oui ou non à baisser votre salaire, augmenter votre temps de travail. Si votez non, on vous vire, on ferme la boîte. Donc vous doutez que c'est un référendum vachement égalitaire et ça évite effectivement de passer par les syndicats. Donc voilà. Une autre... alors peut-être... Le premier truc... Non, mais je vais continuer avec les modèles. Vous voyez, c'est un peu improvisé. Hein. Donc, troisième modèle des panneaux de la route qu'on peut utiliser pour le code de la route du travail, c'est l'obligation. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Alors, j'en ai pas trop en tête, mais on va en inventer au fur et à mesure. Quatrième modèle, c'est la fin d'interdiction. On pourrait peut-être la mettre à côté. Donc, là, par exemple, si on met un bandeau... Ah, sauvé. Si on mettait un bandeau noir, si ceci était transporté là-dedans, ça voudrait dire qu'en 1864, avec la loi qui autorise les syndicats, ça a été la fin de la loi Le Chapelier, et donc la fin de l'interdiction des syndicats. Ça va, vous suivez ou pas? Bon, je vous rappelle qu'on fait une expérimentation en grandeur nature de transposer le code de la route dans le code du travail, ou plutôt expliquer le code du travail avec les panneaux du code de la route, en sachant que voilà, le code du travail c'est un gros pavé, le code de la route, on l'a tous eu du premier coup, n'est-ce pas? Donc c'est fastoche. Hein, mais on va y arriver. Voilà, donc j'ai fait... Ah oui, cinquième modèle, pardon, c'est l'information. Enfin, c'est fastoche. Hein, voilà, quand vous avez un carré bleu, normalement c'est un fond bleu, mais ça a consommé trop de peinture. Donc j'ai juste fait le carré. C'est pareil, là aussi c'est un fond bleu, hein, vous savez, mais... Donc voilà, avec l'information, on peut informer les gens sur plein de choses. Hein, si par exemple, alors on m'a fait celui-là la dernière fois, mais bon, je suis pas sûr qu'il soit très bon, mais je le mets quand même. C'est plus vraiment, ça a plus vraiment à voir avec la loi travail, mais bon, ça peut être ça. Vous connaissez le symbole hôpital, ben on peut rajouter ça dessous. Tu peux le schtroumpfer. On applaudit Anatole qui est extraordinaire. Bon, il sait qu'il va boire des bières après, je vais lui payer des coups après, mais quand même, il est quand même extraordinaire. Alors, le dernier. Un qui est intéressant, celui-ci, vous voyez quoi? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à la poubelle? Un stéthoscope, ça suggérerait quoi? Alors que la loi Uber Khomri, dans son article 40, elle bousille la médecine du travail, elle interdit, enfin, elle met la fin aux visites médicales régulières et d'embauche, qui sont quand même précieuses, et elle instaure le fait que la contestation en cas d'aptitude inaptitude ne passe plus par l'inspection du travail, mais passe par les prud'hommes qui sont déjà débordés. Donc ça, c'est une loi qui bousille effectivement la santé ou la médecine du travail. Alors après, il y a des panneaux subtils, mais qui vont peut-être pas être très compréhensibles. Celui-ci, vous voyez quoi? Ça, oui, c'est une expérimentation qui a été faite la semaine dernière en live avec plein de gens gentils. Mais on devine quoi, là? Rien? La précarité, ouais, trop fort. C'est la flexi... Alors, comment on appelle ça? La flexicarité. C'est joli, le mot flexicarité, ça va? C'est-à-dire que c'est la fausse flexi-sécurité du gouvernement et de la propagande. En fait, on sait bien que leur flexibilité, c'est nous précariser. Donc, on va appeler ça la flexicarité. Ça va, comme mot, flexicarité? Ça se comprend? On va le garder, alors. On peut inventer et des panneaux et des mots. Hein. Par exemple, la loi Uber Khomri, moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais ça me fait rire. Parce que vous savez, le processus d'ubérisation, c'est qu'on vire les salariés et tout le monde est indépendant, soi-disant vachement libre. En fait, comme on bosse, faut bosser comme un taré pour avoir un peu de sous, on n'a plus de cotisation sociale, plus de retraite, plus de sécu. Donc, l'ubérisation du monde, c'est l'esclavage moderne, quoi. Mais bien sûr, la propagande nous a fait croire qu'Uber, c'était chic et qu'il fallait tous qu'on devienne Uber. Voilà, voilà, peut-être. Bon, si je continue, je vous expose des panneaux, puis après, j'ai encore combien de minutes? Ah, c'est cool. Bon, alors, ce panneau-là, c'est un panneau un peu complexe. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, alors en fait, c'est qu'actuellement, il est interdit de bosser plus de 46 heures par semaine. Alors c'est intéressant parce que vous savez, on nous parle de la loi des 35 heures, on dit que les Français sont des gros feignants, qui bossent pas, que 35 heures c'est un truc d'assisté, de taré, qu'on est des gros mous, c'est pour ça qu'on est très nul en Europe. En fait, on peut bosser par la loi jusqu'à 46 heures par semaine avec les heures sup. Donc faut un peu rectifier les choses. C'est limité à 12 semaines, on peut pas le calculer sur plus de 12 semaines, et la loi Uber Khomri pète ça, je crois qu'elle le baisse à, elle le monte à je sais plus quoi. Il y a des juristes dans la salle? Sinon ils sont à côté là, on les embêtera après. Donc voilà, c'est aussi une façon d'aggraver le temps de travail. Moi, si ça tient, c'est bon. Hein. Ouais, ça tient. Alors, petit point. Oui, celle-ci quand même. Ça, c'est 1868. Vous voyez quoi? travail des enfants. Je vous rappelle que dans le 19e siècle, les mômes, ils bossaient, il n'y avait pas d'âge pour bosser dans la mine, il n'y avait point d'heure. Donc c'était ça, hein. Quand il n'y a pas de code du travail, on dit que c'est comme l'absence de code de la route, c'est les camions qui écrasent les vélos, l'absence du code du travail, c'est les gros patrons qui font bosser les gamins jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Donc c'est important d'avoir un code du travail, hein. Ça va, c'est convaincant comme image? Ouais, parce que la propagande actuelle n'est pas très garantie. Bon, alors peut-être le dernier point, avant de passer au débat illustré. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être le plus important dans la loi travail, pour ceux qui ont vu. C'est ce qu'on appelle la fin de la hiérarchie des normes. C'est drôlement compliqué. Donc la hiérarchie des normes, c'est ça. C'est que la loi, quand même, dans un pays démocratique, est supérieure à ce qui arrive en dessous, c'est-à-dire les accords d'entreprise. Et vous savez que les entreprises sont regroupées par branche. On appelle ça les accords de branche, voire les accords de groupe. Or, c'est peut-être pas très lisible. Donc l'idée, c'est qu'actuellement, hein, avant la loi Hubert Khomri, la loi est quand même ce qui dirige, ce qui est pas mal dans un pays démocratique, puisqu'a priori, ceux qui font la loi, ils sont un peu élus, même si on peut discuter du mode de la validité des élections, du mode représentatif, ça reste des fois moins pire qu'en Corée du Nord. Donc voilà, ça c'est actuellement. Anatole, je vais t'embaucher, tu vas tenir celui-ci. Et Hubert Khomri, c'est rien du tout, hein, c'est juste l'inverse. C'est quand elle sera passée, eh ben, les contrats au niveau de l'entreprise seront supérieurs aux accords. Et les accords seront supérieurs à toutes les lois. Donc on pourra faire toutes les lois qu'on veut, toutes jolies. Ce qui sera discuté au niveau de l'entreprise et décidé, je vous rappelle, avec énormément de liberté, parce qu'en gros c'est du chantage à l'emploi. C'est soit vous acceptez parce que cet accord, soit on vous vire, soit on ferme l'entreprise et on va délocaliser en Chine. Donc vous voyez bien que ça va être un peu plus compliqué d'avoir un droit du travail, d'avoir une protection des travailleurs avec ça. Si tu peux le mettre de côté. Donc ça peut être... Cet élément-là, c'est beaucoup de gens qui sont un peu plus doués que moi en droit du travail, disent que c'est vraiment la base, le pire de la loi Hubert Khomri, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. On comprend à peu près le truc là? Ouais? Que voilà. Bon, bah, c'est bon, merci. Je crois qu'on va passer au débat, c'est plus rigolo, non? Parce que bon, moi... Donc le débat, c'est simple, en fait, ça va pas être un vrai débat, c'est là on va voir que j'ai du mal à lâcher le micro. Je vais vous présenter quelques points essentiels de la loi Hubert Khomri, et je vous demanderai comment on peut le présenter, avec quel type de panneau. Et on peut soit dessiner dedans, mais non, je tiens un peu à mes panneaux, parce que je n'en ai pas beaucoup, soit dessiner là-dedans, et puis après on découpe et on patafixe, on trouvera des trucs pour mettre dedans. Ça va? Vous êtes sûr, hein? D'accord. Alors, la loi Hubert Khomri, elle a quelques grands chapitres qui sont qu'on peut reprendre. Ah oui, juste pour vous faire montrer que je suis pas si doué que ça, je vous recommande ce petit livre, c'est un que sais-je, donc ça se lit vite. C'est Alain Supiot qui est un juriste du travail, et donc en quelques pages et quelques heures autour d'une bonne bière, on comprend un peu des choses. Alors je l'ai un peu oublié, ça je l'ai lu il y a une semaine, mais il reste des choses dedans. Donc sont le plan qu'il fait, et puis aussi j'ai piqué plein d'infos sur le site de Gérard Filoche, que peut-être certains vous connaissent, hein, il faut citer ses sources, qui est un inspecteur du travail à la retraite et qui fait un gros boulot, pour expliquer. Alors, on a par exemple l'idée que on veut prendre tout ce qui est démocratie interne à l'entreprise. Hein. Donc on a déjà vu le truc le plus monstrueux, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y a un truc assez monstrueux dans la loi Hubert Khomri, c'est ce qu'on appelle le salarié mandaté. Un salarié mandaté, c'est là où il n'y a pas de délégué du personnel, soit la boîte est trop petite, soit ils n'en ont pas fait. Maintenant, une organisation syndicale amie des patrons, on pourra lui demander, bah tiens, tu veux pas nous mandater quelqu'un? Alors évidemment, le salarié mandaté, comme il sera pas élu, il n'aura pas de légitimité. Comme il sera toujours employé du patron, il aura intérêt quand même à être un peu gentil avec ce que propose le patron. Et quand même, c'est à lui qu'on chargera de signer, de donner son accord pour des accords internes à l'entreprise. Donc vous voyez un peu l'immense liberté et la grande garantie d'indépendance que ça promet. Voilà. Donc comment on pourrait dessiner un salarié mandaté? Est-ce que quelqu'un a une idée? Soyez pas timide, hein. Pardon? Faut que tu parles plus fort. Un jaune. Ouais, alors après, bon, on va essayer de, comme on en éduque pop, bienveillante et tout, on va essayer de pas stigmatiser les gens. Faut se mettre vraiment à la place des gens qui bossent, dans une société de pénurie d'emploi organisée, parce que le chômage c'est quand même bien pratique pour tirer les salaires à la baisse. Donc les gens sont pas forcément des traîtres, mais en tout cas ils sont un peu coincés, quoi. Voilà. Alors les jaunes, je crois, en plus, c'est plutôt ceux qui refusent de faire grève, donc c'est pas tout à fait pareil. Là, le salarié mandaté, c'est un truc tout nouveau, hein. Hubert Khomri, elle invente plein de trucs, hein. Donc elle a inventé l'idée qu'on pourra comme ça... quand je dis Hubert Khomri, Madame Khomri, je l'aime bien, je la connais pas, mais elle se fait avoir. En tout cas, elle met son nom sur un truc épouvantable et voilà, quoi, elle a accepté quand même. Donc c'est la loi Hyper-Khomri, faute de trouver un autre mot joli. Bon, alors qui c'est qui a une idée de comment représenter le salarié mandaté? C'est simple, c'est quelqu'un qui est... Alors je vous propose un truc. On peut soit... Donc on va le mettre... Après, faut avoir... on va peut-être le mettre dans un panneau... un panneau attention. Hein. Voilà. Et on pourrait faire, par exemple, un travailleur, hein, donc un gars qui travaille... En gros, on le représente comme ça. Ça va, ça, c'est le symbole du travailleur. Ça vous va? Mais il travaille pas tout seul. Il y a... Alors, le patron, je le mets avec un chapeau. Un chapeau chic. Ça va, bon, c'est un peu primaire, hein, un peu simplifié. Voilà. Et on va dire quoi? Bon, ça, c'est explicite, ça, ou pas, salarié mandaté? On peut rajouter un fouet, mais c'est pas gentil. On peut rajouter une chaîne. Alors, on va mettre une petite chaîne. Un boulet. Une petite chaîne, ça va mieux? Bon, il y a des suggestions sans blague. Alors, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que c'est une conférence d'éducation populaire illustrée. Et donc, on essaie de voir comment représenter le code du travail en fonction des panneaux du code de la route. Et en fait, maintenant, c'est le débat. Alors, c'est un débat un peu bizarre. À feutre. Un débat feutré. Un débat feutré. À fleurer et boucher. Et voilà, bravo, oui. Alors, je dessine très mal, donc voilà. Mais est-ce qu'on pourrait pas tourner ça dans l'autre sens et faire un panneau d'interdiction avec un symbole de syndicat ou un truc comme ça, par exemple? Ouais, ou attention danger, fin du syndicat, ou... Ouais, dans ce sens-là. Ouais. L'intérêt du code de la route, c'est que comme vous êtes tous des grands conducteurs et vous le connaissez par cœur, on peut mettre plusieurs panneaux côte à côte. Et ça aide à comprendre. Donc effectivement, tu as raison, on peut mettre celui-ci et celui-ci qui serait là à côté. Il y a d'autres remarques sur cet aspect? Ouais. Moi, j'enchaînerais éventuellement en fait directement le travailleur mandaté au patron, plutôt qu'un boulet. C'est-à-dire que le patron qui regarde le travailleur mandaté enchaîné directement. Non, mais disons, bah alors, il peut tenir une laisse. Sinon, une laisse, c'est peut-être mieux. Non, est-ce que vous avez bien compris ce qu'un salarié mandaté, grâce à ce schéma? Bon, on les refera, hein, mais est-ce que ça vous semble assez explicite? Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, le salarié mandaté, c'est quelqu'un qui sera nommé par un syndicat ami, entre guillemets, dans une entreprise trop petite où il n'y a pas de syndicat et qui sera chargé de signer les accords soi-disant démocratiquement acceptés par les gens. Je vous rappelle qu'avec l'inversion de la hiérarchie des normes, ça va être un peu compliqué pour avoir des accords qui soient... intéressant pour les salariés. Bien. Alors, autre point intéressant. Ah ben, je l'ai pas mis. Ah si. Alors, le référendum. Peut-être je vais le reprendre quand même. Donc, on est toujours dans le chapitre démocratie interne à l'entreprise. Hein. Donc, le référendum d'entreprise, il est là. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas bien, qu'il était pas clair. Et alors, franchement, je suis pas susceptible, en tout cas pas sur mes dessins, parce que je suis assez lucide. Est-ce que vous voyez une autre façon de représenter l'idée du référendum d'entreprise? Je vous rappelle que le référendum d'entreprise, c'est la loi Hyper-Khomri qui va permettre que quand les syndicats majoritaires sont un peu en conflit avec le patron, ben le patron il a qu'à dire c'est pas grave, on va faire un référendum, ça sera vachement démocratique. Si vous votez oui à ce que je vous propose, c'est-à-dire bosser plus pour gagner moins, c'est cool. Si vous votez non, je ferme la boîte. C'est homogène, c'est équitable, non, comme référendum? Voilà, ça sera le référendum d'entreprise. Est-ce que ça vous semble à peu près clair comme image? Non, mais dites pas oui pour me faire plaisir, hein. C'est le moment de proposer des choses. Une issue de secours. Ah ouais, pas mal. Tu veux la faire? Tu la mettrais où? Tu la mettrais sur celui-ci ou... Sortie obligatoire, hein. Tu veux pas la faire? Bon, quelqu'un veut faire une issue de secours ou une sortie obligatoire? Il y a des gens qui regardent, hein. Je peux juste te mettre à votre côté. Merci. Non? Bon, c'est pas grave. On passe. Après, si vous avez peur de me vexer, vous avez tort, mais à la fin de la conférence, on pourra toujours continuer à côté, puis, trouver une façon de boire des coups, je sais pas, enfin un truc. Ah, oui! Sinon, on pourrait juste laisser le choix entre oui et oui. C'est plus facile en dessin. Été très... Ça vous va? On applaudit cette gentille personne que je connais à peine et qui a plein de bonnes idées. Merci Marie. Alors, on est toujours... Ah ouais, peut-être je vous fais un plan. Il me reste combien de temps? Oula, c'est bien. Donc il y a un plan d'après le petit livre de Supio, hein, que je vous ai cité comme « Bonne fin de le code du travail ». Donc il fait en gros... Ah, je vous l'ai mis à l'envers. Désolé, c'est comme ça que je l'ai lu d'ailleurs, à l'envers. C'est pour ça que j'ai pas bien compris. Donc il fait un chapitre sur tout ce qui est démocratie d'entreprise, là où on est. Un chapitre sur ce qui est contrat de travail, un chapitre sur ce qui est sécurité. Voilà, ça, je vous fais pas le plan, mais ça vous va. Donc, on a à peu près vu la démocratie. Donc, référendum, salarié mandaté, inversion de la hiérarchie des normes. C'est les trois grands points que la loi Hubert Comrie amène pour péter le code du travail sur la partie démocratie d'entreprise. On va passer à contrat de travail. Non, il y a un point. Où c'est que je vais le mettre? Ah, ben non, lui, il est en sécurité. On va passer à sécurité, hein. Donc la sécurité, Supio, il dit qu'il y en a deux. Il y a sécurité physique, mentale, c'est la loi, c'est la santé au travail. Donc on a vu qu'elle se faisait un petit peu bousillée par la loi Hubert Comrie. Bon, après, il y a ces images-là. Alors il y a une autre sécurité, c'est la sécurité économique. C'est tout ce qui est licenciement. Et donc, vous le savez sans doute, si vous avez un peu regardé, la loi Hubert Comrie, elle est bien parce qu'elle facilite les licenciements. Donc voilà, hein, c'est quand même, c'est moderne, c'est fluide, c'est liquide, c'est tous les mots qu'on aime bien. Et en particulier, elle fait quand un accord d'entreprise sera imposé par un référendum et par la hiérarchie des normes. Avant, les salariés avaient le droit de pas être d'accord et donc ils avaient un licenciement pour cause économique ou cause, enfin, un licenciement un peu protégé. Ou alors, on devait les recaser. Avec la loi Hubert Comrie, ça va être beaucoup plus simple. On les virera et on dira que c'est de leur faute parce qu'ils sont pas d'accord. C'est vrai que c'est pas bien de pas être d'accord. Et donc, ça sera un licenciement pour faute. Donc, en faute, en gros, on pourra jeter les gens. On leur imposera des accords pourris où ils devront travailler plus, bosser moins, gagner moins, lapsus. Et ceux qui seront pas contents, on les virera. C'est bien, hein, ça va dans le sens du progrès. Comment on pourrait dessiner ça? L'idée que les licenciements seront facilités, les licenciements pour des accords seront facilités. Quelqu'un a une idée de comment dessiner un licenciement? Bon, cette timidité vous honore. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu. Ouais. Ah, cool. Une trappe devant le bureau, tu veux pas le dessiner? Marie, toi qui dessines très bien. Moi, je le dessine, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Donc l'idée, alors peut-être, est-ce qu'on regarde sur le fond carré? Quel type de modèle de panneau on prend? La quoi? Attention danger, toujours. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un bureau, c'est ça? Ah ouais, comme dans Tintin. Il y a un Tintin où il y a ça. Je crois, hein. Donc là, c'est un bureau. Là, c'est un patron. Patron, on le reconnaît à son chapeau, c'est facile. Là, c'est un salarié qui dit qu'il n'est pas d'accord. Hein, quand on est comme ça, c'est qu'on n'est pas d'accord. Puis devant, c'est une trappe, c'est ça? Voilà, qui s'ouvre. Je sais pas, est-ce que c'est très explicite? Ça vous va? Je dessine mal, hein, surtout avec une seule main sur un truc qui bouge. Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Donc je vous rappelle, là on essaie de représenter le panneau attention, danger, licenciement facilité par la loi Hubert Comrie quand elle sera passée. Parce que les nouvelles dispositions, c'est que si on n'est pas content d'un accord d'entreprise imposé par un chantage à l'emploi, alors qu'avant on pouvait être licencié mais avec des conditions un peu favorables, maintenant on sera licencié pour faute. Faute parce que c'est une grosse faute de ne pas être d'accord avec un accord qui vous fait bosser plus et gagner moins. Ce qui est logique. Ça vous va? Vous êtes trop gentil, hein, un peu de critique dans la salle là. On est à nu debout, hein, on n'est pas au MEDEF là. Donc un peu de protestation. Bon, l'autre point, il y a le plafonnement des indemnités prud'homales. Vous savez que quand vous n'êtes pas d'accord, si le licenciement, on est dans la suite, hein, si le licenciement vous semble abusif, vous pouvez aller auprès des tribunaux spécifiques pour le monde du travail, et les prud'hommes vont juger si vous avez été victime de l'injustice ou pas. Si vous êtes victime d'une injustice, c'est-à-dire un licenciement abusif, il y a des indemnités qui sont posées, que les juges prud'hommes opposent. Elle n'est pas trop pourrie à Sono, ça? Ouais, excusez-moi, hein, je suis pas très doué. Et donc les juges prud'hommes peuvent mettre des indemnités de compensation, ce qui est quand même pas mal. Sauf qu'avec la loi Hubert Comrie, les indemnités, alors elles ont failli dans les premières versions être plafonnées, et maintenant ça va se décider plus tard en décret et tout, mais on sait ce que c'est que les décrets après les lois, c'est encore pire. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment dessiner un prud'homme et une indemnité prud'homale? C'est pas facile, hein? Bon, moi j'ai une idée. Parce que, ah non, je crois, ah non, désolé. On pourrait éventuellement faire truc d'information. Et la justice, en fait, c'est un truc de... C'est une balance, non? C'est ça? Avec deux fléaux. Ça va, là? Faut être simple, hein. Vous êtes gentil, hein. Bon, on va dire que c'est la justice prud'homale. Ouais, une suggestion. Sinon, on pourrait aussi reprendre les interdictions, les limites de vitesse et faire la même chose. Alors, c'est juste des mots, mais... Mais ta balance est chouette, Étienne, alors c'est quand même, ça pose problème. L'idée, c'est à côté, mettre... ah oui. Donc ça, c'est un panneau interdiction, hein, je vous rappelle. Non, limitation. Et la vitesse, en fait, ce sera le taux d'indemnité. Bon, on va mettre... indemnité. Ouais, pas... Ouais. Au lieu de faire un panneau limitation de vitesse, on fait un panneau comme ceux des zones 30, ce genre de truc là. Ça, c'est un truc que personne aime, les zones 30. En général, c'est très chiant de devoir rouler là-dedans et on est très content quand on en sort. Ça limite la vitesse sur toute une zone. Et on peut faire un truc similaire. C'est à peu près dans la même idée. C'est ça ? Ouais. Donc, en fait, c'est assez logique. Avant, c'est le truc rouge. On peut pas limiter les indemnités. Et avec la loi Hubert-Comrie, ça va devenir le truc bleu. On oblige à limiter les indemnités, c'est ça ? Et dedans, mais indemnité, ça va, hein? Ouais, hein, parce que... Non, quelqu'un a une idée pour dessiner une indemnité? Ou alors un rébus, mais avec un 1, un D, un M et un IT, mais... Oh, on peut faire un rébus. Allez, un rébus. Comment on fait une IT? Non, c'est ça, M. Ah oui, ah oui. Indemni, non, c'est MNI. Un I. Et un thé. Il est bien mon rébus, hein. Quand même. Voilà. Donc tout le monde a bien compris que ce panneau-là voulait dire que maintenant, les indemnités sont limitées par les prud'hommes. Voilà. C'est pas mal quand même. Il me reste combien de minutes là avant de faire... Il reste du temps, hein. Bon, donc on a fait là, tout le chapitre. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, que... Pardon ? Ah, tu dois dire quelque chose, c'est une conférence d'Éluc Pop. Non, parce que tu causes bien, mais tu vas trop vite. Hein. Je voulais dire un truc à propos des... Enfin, c'est aussi des indemnités en cas d'accident du travail, et comment ça s'appelle, l'inspection du travail et tout ça. Moi, je vais souvent en Italie, où il y a déjà eu le job axed, c'est la même chose en Italie. Et il y a eu au début du, dans la première année, il y a eu plus d'emplois, mais maintenant ça diminue de nouveau, il y a plus de chômage. Hein. Mais en plus, il y a la fameuse courbe, mais la courbe des accidents du travail est en train de monter en flèche. Mais quand les gens maintenant ils sont malades, les indemnités sont ridicules. Merci beaucoup. Ça serait un thème à développer, c'est comparer le code de la route du travail en France et le code de la route du travail dans d'autres pays où il y a déjà eu des lois Uber-Comrie équivalentes mises en place. En Italie avec Renzi, qui l'a déjà bien niqué, en Angleterre, en Allemagne avec les lois Hartz-Fir, tout ça, ce serait intéressant. S'il y a des gens hein, qui ont envie, je vous rappelle, ceci est un appel à création de panneaux de circulation dans le code de la route du travail pour rendre un peu plus visible et compréhensible le code du travail qui est un peu compliqué, mais qui est nécessaire. Autant le code de la route est nécessaire pour que les camions écrasent pas, le code du travail est nécessaire pour que les gros patrons écrabouillent pas les petits salariés. Bon, c'est un peu schématique, mais pas mal. Bien. Alors, on a fini... Non, on n'a pas fini, mais on brosse rapidement. Donc, trois grands chapitres. La démocratie d'entreprise, la sécurité. Donc ça, c'est sécurité économique avec le licenciement. Bon, là, je vais pas être... je sais pas si je vais être capable d'être... Ah, ça va, il va baisser. C'est cool. Donc sécurité physique et mentale, c'est la loi, c'est la médecine du travail. Donc on l'a déjà vu là, hein, mais c'est pour ceux qui viennent d'arriver. En ceci, qu'est-ce que vous voyez là, les nouveaux ? Ouais. Donc un stéthoscope jeté dans une poubelle, c'est censé représenter la fin de la médecine du travail ou le bousillage de la médecine du travail par la loi Hubert-Comrie. Ça vous va ? Donc je vous rappelle que dans l'article 40 de la loi Uber-Khomri, ce qu'on ne sait pas assez parce que c'est loin et qu'on n'arrive pas à lire déjà le premier article, et puis que la médecine du travail, tout le monde s'en fout, le principe c'est que les visites obligatoires d'embauche et régulières sont supprimées, sont remplacées par des trucs à la demande, on sait bien ce que les gens ont pas trop envie de demander ça, et qu'en plus les contestations en cas d'inaptitude ne passent plus par l'inspection du travail, mais passent par les prud'hommes, donc nos gentils prud'hommes là, mais qui seront débordés, les pauvres, parce qu'ils sont déjà pas assez nombreux. Donc autant dire que quand un salarié fera chier, on dira qu'il est malade, après on le virera, on est donc inapte, il sera viré et puis il pourra toujours se brosser pour pouvoir récupérer ses droits. Bien. Donc on a fait insécurité physique et insécurité économique avant. On va passer au truc vachement important, qui est ce qu'on appelle, dans le contrat de travail, il y a deux choses. Il y a la subordination et il y a l'échange salarial, c'est-à-dire échange travail contre temps. Donc on commence par quoi ? Subordination, c'est drôle, c'est un peu sadomaso. Quelqu'un a envie de dessiner le lien de subordination entre un patron et un employé? D'abord, quel type de panneau on prend? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas une interdiction, parce que ça existe. C'est presque une obligation. Ouais, une obligation. On fait un panneau bleu peut-être, je peux avoir une autre feuille, ça t'embête pas? Il y en a une là. Si quelqu'un veut aider Adèle, qui fait un travail extraordinaire, on va le mettre à côté pour que les gens... Non, comme ça, je pourrais le montrer. Enfin, à sa place, en fait. Merci. Un grand merci à Adèle et Anatole, qui sont extraordinaires. Bon, ils savent qu'on leur paiera des coups après, mais quand même, c'est quand même quasiment du bénévolat. Ouais. C'est du, c'est pour illustrer la loi Uber-Khomri. Parce que là, en fait, ils sont subordonnés, pas de contrat de travail, pas de salaire, rien, que dalle, quoi. C'est une bière à la fin, peut-être. Alors, comment pourrait-on représenter la subordination? C'est-à-dire le fait que, par le contrat de travail, l'employé est soumis à la hiérarchie, enfin, est dépendant du patron. Alors, en échange, hein, il touche des sous. Hein. Et puis, surtout, il y a les lois, les prud'hommes et autres qui veillent à ce que ça ne soit pas abusif. Donc, on a dit que ça serait une obligation, c'est ça? Tout va comme symbole? Donc, une obligation. Donc, c'est un rond bleu. Et dedans, on met quoi? Transfusion sanguine. C'est violent, mais on peut, hein. Ça vous va, on essaye? Tu la dessines? Ah non, toi t'es occupé. Qui c'est qui dessine mieux que moi? C'est pas dur de dessiner mieux que moi quand même. Oh bah c'est simple. Bon, moi j'ai une proposition. On met un patron en haut. Donc le patron, je vous rappelle, on le reconnaît à son chapeau. Chapeau parfois mafieux, c'est pour ça qu'il est rayé. À son gros bide. À son cigare, voilà. Donc ça, c'est un patron, ça va. Je suis un peu désolé, hein, c'est un peu schématique, mais ça défoule. Mais il y a quand même des gentils patrons, hein, il faut le dire. Surtout dans les PME, en général, ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais plus c'est haut, hein, plus c'est dans le 440, tout ça, là, plus ça devient vraiment, vraiment pourri. Enfin, ils se mettent plein les fouilles, quoi. Et en dessous, on fait un travailleur. Le symbole du travailleur, c'est facile. Il est devant un tas de terre et il a une pioche. Hein, c'est ça, le panneau attention au travail qu'on connaît d'habitude. Donc ça, c'est un patron sur un travailleur. Déjà, le fait qu'il soit au-dessus, ça suggère la hiérarchie. Et mais alors, l'idée, c'est une transfusion sanguine, c'est ça? Donc c'est du sang qui va du... On y va, hein? C'est créatif, hein? C'est pas... Donc il a une prise... Ouais. Et après, ça va où? Ça va dans son bide, dans sa bouche, dans son... Dans ses poches. Excellent. Et ça devient de l'argent, en fait. Ah, si j'avais un feutre vert... Ce serait plus facile pour faire des dollars. Bon. Bon, on dirait que c'est un euro. T'as un, c'est pas trop affreux? Bon. Donc ceci est la subordination. Je rappelle à hein, ceux qui viennent d'arriver qu'on essaie de décliner en panneau du code de la route, le code du travail, pour montrer un peu qu'il est pas si compliqué, et surtout qu'il est nécessaire pour pas qu'on soit s'écrabouillé sur les dures routes du labeur. Donc là, c'est la subordination. Peut-être la relation, ça c'est facile. Donc dans le contrat de travail, il y a une relation salaire-temps de travail. C'est-à-dire que les gentils travailleurs, ils bossent beaucoup, ils donnent de leur temps. Et les éventuels gentils patrons, à la place, ils leur donnent des sous. Comment vous pensez qu'on peut dessiner? Ouais. Un panneau de fin d'interdiction, mais d'un, d'un côté, on met le patron qui est en train de se dorer au soleil, et de l'autre côté, on met le travailleur en train de miner. Voilà. Et ça représente la relation de temps de travail. Ok. Tu veux pas le dessiner ? Moi non plus, hein. D'accord. Tu peux pas dessiner pire que moi. Si, tu oses le dire. Bon, bah alors j'y vais. Sauf si quelqu'un d'autre, ouais, tu veux le dessiner ? Bah, vas-y, pendant que je dessine, raconte. C'est le ouvrier qui travaille, qui donne son temps au patron, et le patron donne de l'argent à l'ouvrier, et avec cet argent, l'ouvrier achète ce que vend le patron. Bonne idée, on fera ça après. Tu me redis comment je dois faire ? Tu veux pas essayer ? Je suis sûr que tu... Ouais, mais tu vois bien, ça peut pas être pire que ça. Merci. Vas-y, réexplique ton truc là. Anatole va très spontanément dessiner sous ta direction. D'un côté, tu mets le patron au soleil en train de se prélasser, quoi. Voilà. Moi, j'aurais plutôt mis en haut, hein, quand même. C'est pas grave. Et de l'autre côté, tu mets comme le dessin d'à côté, un salarié qui est en train de travailler, quoi, qui est en train de miner. Merci. Ça, c'est de l'intelligence collective. Il y a la tête et les bras et les cordes vocales. Pour la proposition de monsieur, je connais pas ton. Didier. Pourquoi pas faire un genre de panneau de rond-point, tu sais, où ça fait un peu le côté circulaire de le patron donne de l'argent, l'argent est acheté et machin. Enfin, l'argent sert à dépenser, ça revient dans les poches du patron. Ouais, il est en bleu, ouais. Ouais, donc il y aurait en premier le patron. Ça me va. Une flèche vers la gauche. Ouais, ou vers la droite, ouais, ça me va mieux, ouais. Une flèche qui indique à $1. Ensuite, il faudra faire un genre de travailleur qui utilise cet argent pour dépenser. Ça, ton. Refaire une flèche dollar et ensuite une flèche qui va vers le patron, quoi. Ouais, ou au milieu. Ah oui. Ouais. Et en plus, c'est pas mal parce que c'est le sens inverse des ronds-points. Donc ça veut dire que c'est pas très logique, quoi. Ou sinon, du coup, tu pourrais rajouter des dollars qui arrivent aussi au patron, mais t'en mets plein cette fois. Merci. Si on fait ça tous les jours, à la fin du mois, là, on va avoir un code de la route du travail extraordinaire. Bon, ça commence. Ça sera un peu tard pour obliger nos députés à voter les motions de censure et tout, mais vous savez que c'est pas fini, ça passe au Sénat, hein, la loi Uber Khomri, là. Donc elle est adoptée en première lecture par le coup de force du 49-3, elle passe au Sénat et après elle revient à l'Assemblée où il y aura certainement encore un 49-3, mais on peut encore faire du buzz, c'est pas trop tard, hein, donc ça vaut le coup de se bouger. Donc on a vu la relation donc du contrat de travail avec l'équilibre temps et salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors ouais, il y a un truc drôlement important, parce que là j'ai plus beaucoup de temps, je crois qu'il faut finir là-dessus. 10 minutes, ouais. En fait, il y a un truc compliqué à expliquer, mais drôlement important dans la loi Uber Khomri, c'est le CPA, le compte personnel d'activité. Parce que la propagande nous le vend comme un truc génial où maintenant on va pouvoir être sur toute sa vie suivi aussi bien pour le temps de travail que pour le temps de formation que pour les indemnités. Vous savez, je sais pas, il y en a qui ont entendu un peu parler du CPA, donc qui n'a pas du tout entendu parler du CPA. Oula, qui peut l'expliquer mieux que moi? Alors, sous votre contrôle. En gros, c'est ce que les syndicats, pendant longtemps... Ah, merci à Anatole et sa bande de... Ah ouais, là. Ah ouais, hein. Ça, c'est la créativité du vent qui veut participer. Face à la grande insécurité du monde du travail, enfin de la vie, où on peut être viré, on se retrouve au chômage et on perd vite ses protections sociales, il y a des syndicats qui ont proposé d'avoir une sécurité professionnelle tout au long de la vie, en comptabilisant tout ce qu'on fait comme boulot, comme cotisation, et en ne les perdant pas, même si on est au chômage. Donc c'est assez intéressant. Et la grande propagande de la loi Hubert-Comry, c'est de dire, ben, vous l'avez voulu, on l'a fait, ça s'appelle le CPA. Donc le compte personnel d'activité, et grâce au CPA, vous allez avoir ce que vous vouliez. En fait, pas du tout, parce que le CPA actuel, c'est un peu comme dit Filoche, le livret ouvrier numérique du 21e siècle. Vous savez, le livret ouvrier, au 19e, c'était un petit passeport sur lequel les employeurs mettaient ce qu'ils pensaient de l'ouvrier. Et quand on se baladait sur les routes de France, on devait absolument le montrer. Si on n'avait pas son livret ouvrier, on était vagabond, on allait en tôle, aux galères et tout ça. Vous voyez, c'était la grande démocratie, c'était déjà sous la République d'ailleurs, enfin bref. Vous savez, la France pays des droits de l'homme et tout le tintouin, au 19e, c'était pas vraiment ça. Donc le livret ouvrier a heureusement été supprimé, c'était quelque chose d'assez monstrueux. Et on peut considérer le CPA comme une réhabilitation du livret ouvrier, mais numérique, ce qui est encore pire. Parce que maintenant, effectivement, avec le CPA, tout le monde aura un compte, je crois qu'il sera ouvert à la Caisse des dépôts, où on notera ce que vous avez bossé, ce que vous avez cotisé et tout. Sauf que ça sera une façon de vous fliquer, et ça vous donnera pas plus de droits que ça, parce que ça va tout individualiser, tout morceler. Donc voilà, c'est compliqué à expliquer. T'as une idée de panneau ? Non, j'ai une question. Mais quand même, sur le droit à la formation, ça permet pas d'établir une filiation, une conservation de ces droits qu'on n'a pas pour l'instant quand on change de contrat ? Alors effectivement, la propagande d'Hubert-Comry nous dit « Mais le CPA, c'est merveilleux parce qu'on va comptabiliser le salaire, la formation, les cotisations, tout ça. » Sauf que de ce que j'ai lu de Filoche, hein, parce que je rappelle, je suis pas du tout juriste, le CPA, en fait, on peut passer d'un compte à l'autre. Donc ce qu'on a gagné pour la formation, on n'est pas obligé de le garder. Et en plus, on dit pas qui paye, qui va financer. Donc en théorie, c'est merveilleux. En réalité, il y a plein d'options qui vont permettre de le dévitaliser. Quoi. Donc ça va être un peu compliqué à dessiner. Il y en a-t-il qui ont des idées ? Non. Bon, ce sera pour la prochaine fois alors, hein, pour le CPA. On va chercher. Alors, en fait, si vous avez des idées de comment continuer ce boulot, je sais pas si c'était que du texte, on préfère un document collaboratif, hein, Framachtrumpf, Framapad ou autre. Mais là, comme c'est des images, faudrait un petit avec des images. Moi, je sais pas trop. Si on a des Jones là, plein de sociaux réseaux là, qui peuvent donner des idées. Voilà. Après, en buvant des coups à la sortie, on en parlera. Donc en termes de conclusion, hein, on va conclure, c'est pas mal. Ouais, non, juste pour vous dire, hein, pour les nouveaux venus, l'idée c'est que présenter le code du travail préhensible et surtout aller contre la propagande de la loi Hubert-Comry qui nous fait croire que le code du travail c'est quelque chose d'affreux, qui est très compliqué, très lourd, et qu'en fait c'est rien que pour embêter les gentils patrons et rien que pour que les pauvres, les méchants ouvriers deviennent des feignants. Donc l'idée c'était de le présenter sous forme du code de la route, parce que le code de la route, on sait bien que s'il n'y en avait pas, les camions écrabouilleraient les vélos. Et ben le code du travail c'est un peu ça, pas les patrons pleins de sous écrabouilleraient, esclavagiseraient les salariés. Voilà, donc c'est une idée, ça vient de sortir, c'est contributif, donc il y a quelques... L'idée donc d'utiliser les panneaux avec les 5 modèles qui sont là. Donc si vous avez d'autres idées, hein, ceux qui apprennent le code de la route, là, les Jones qui veulent conduire bientôt, il suffit de reprendre les éléments de la loi Hubert-Comry et puis de voir comment on peut traduire ça en images, éventuellement en mettant 2-3 textes dessous. Ça vous va ? Eh bien merci beaucoup. Bon bah en attendant l'intervenante... Non, elle est pas... Et vous restez quelques minutes encore, hein. Allez-y. Ah bah alors, fausse sortie. C'est ça les grands artistes, ils sont désirés. Oh, d'ailleurs désirés. J'ai pas fait exprès, je le jure. Du coup, on va pouvoir creuser un autre aspect. Dans la loi Hubert-Comry, alors on est là toujours dans la dimension échange salaire temps de travail, hein, parce que vous savez que c'est un peu la base du contrat de travail. Alors, il y a les congés officiels, et puis il y a les autres types de congés pour raisons personnelles, raisons familiales, formation, tout ça. Et la loi Hubert-Comry les nique grave, parce qu'elle les fait passer dans les accords d'entreprise. Jusque-là, c'est la loi qui définit les types de congés particuliers. Hein, en partie, alors ça marche pour tous les congés sauf les congés pour raison familiale, parce qu'il y a quand même un gros lever de bouclier en disant bah, si vous nous empêchez d'aller à l'enterrement de nos tontons grands-parents, ça va quand même chier. Donc là, on a toujours les congés pour raison familiale sont maintenus par la loi. Tous les autres congés, que ça soit de la formation, que ça soit des convenances personnelles ou autres, sont maintenant régis par des contrats d'entreprise, enfin des accords d'entreprise. Et je rappelle à ceux qui n'étaient pas là au début que une des grandes arnaques de la loi Uber-Khomri, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire ce qui aujourd'hui est que la loi domine le reste, qui est un peu logique dans une démocratie relative mais plus réelle qu'en Corée du Nord. Ça va devenir avec Uber-Khomri l'inversion des normes où tout ce qui se fait au niveau des contrats et de l'entreprise sera supérieur à la loi. Donc si vous avez un chantage à l'emploi, comme ça arrive très souvent, et qu'un gentil patron dit « bah voilà maintenant, soit vous bossez plus en gagnant moins, soit je vous vire ou je ferme la boîte », donc ça va devenir un accord d'entreprise, et ça va être supérieur à toutes les dispositions légales. Et donc en particulier, ça vaut pour le salaire, ça vaut pour le temps de travail, et ça vaut pour les congés exceptionnels, hein, congés donc formation, congés pour convenance personnelle, qui pourraient être décidés comme ils le voudront au niveau de l'entreprise. Et donc bien sûr, on pourra faire des jolies lois en disant « ah, ce serait bien que les gens aient des congés pour se former ». La loi, je ne vais pas faire de gestes obscènes, mais ça sera un peu ça, quoi. Voilà, ça vous va? Comment on pourrait le représenter? Par quel type de panneau on pourrait représenter ça? Est-ce qu'il y a un grand dessinateur ou une grande dessinatrice dans la salle? C'est vrai? Ouais, cool! Si, c'est beau la délation! En plus, si elle vient, c'est que c'est vrai. Sinon, ça ne serait pas vrai. On va peut-être trouver une autre feuille. Elles sont là, en fait. L'idée, t'as pigé le truc, non? On va l'aider, hein. C'est elle qui dessine, elle tient le stylo, mais vous tenez les idées aussi, hein. C'est un travail collectif, c'est quand même de l'éduc pop, donc c'est de la construction collective et intelligente. Comment on pourrait dessiner le fait qu'avec la loi Uber-Khomri, les congés particuliers vont se faire bousiller parce qu'ils seront du ressort de l'accord d'entreprise et plus du tout de la loi. Et donc, l'accord d'entreprise, on sait ce que ça vaut. Ouais. Moi, je mettrais par rapport au congé maternité une femme qui accouche sur son lieu de travail parce qu'au final, elle a peur de pas pouvoir avoir un congé mater. Ça vous va? Vous avez entendu la proposition? On l'a fait? Comment tu t'appelles? Roymy va nous dessiner une femme qui accouche à son boulot. C'est ça, en gros. Hein. Et on l'applaudit très fort, on la soutient parce que c'est pas facile. Alors, attendez, excusez-moi, on fait quoi comme support? Est-ce que c'est une interdiction, une obligation, une alerte? Une obligation ou une information? Ça se discute. Information, donc c'est un carré bleu. Danger, ah oui, danger. Donc c'est un triangle rouge. Bon, ça c'est facile, jusque-là, dessiner un triangle rouge, on peut tous y arriver. Mais après, ça se gâte. Merci. Donc sous le regard bienveillant de la foule en délire, on va représenter une disposition de la loi Uber-Khomri qui est le fait que les accords d'entreprise vont maintenant prévaloir sur la loi pour définir les limitations, les congés particuliers, les congés autres. Hein. Et donc finalement, si l'accord d'entreprise dit qu'on a beau être enceinte, alors ça, je suis pas sûr que ça marche. En fait, faudrait que je vérifie. Il y a peut-être beaucoup de bêtises dites. Hein, donc parce qu'il y a pour la congé maternité, c'est quand même de la santé publique, je crois. Ouais, ou de la sécu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera débat, on dira qu'on se trompe, mais de toute façon, comme... Hein? Voilà. De toute façon, hein, c'est un peu de la caricature, donc accentuons. Et puis, je vous rappelle qu'il y a plein de feuilles, plein de feutres, et que si vous avez envie, vous pouvez dessiner plein d'autres panneaux du code de la route du travail, puisque c'est un travail collaboratif, et que peut-être d'ici quelques jours, on pourra présenter à nos chers sénateurs Mou et chers députés Mou vraiment l'intérêt de ne pas voter la loi Uber-Khomri, qui est une belle saloperie. Ouais. Bon, on va finir avec les accords. Ouais, donc, est-ce que vous voyez bien une femme enceinte? Ouais, c'est bien fait, hein. Bravo, hein. Excellent. Alors maintenant, il faut représenter le fait que c'est sur le lieu de travail. Comment on fait? Le bureau. Sur le bureau, carrément. Oh ouais? Non, là, ça devient... Soit sur le bureau, soit un bureau au fond, qu'est-ce qu'on fait? Un bureau au fond. Sur le bureau, ce serait cool, hein. Enfin, je veux pas dire, mais ce serait... Ouais, sur le bureau. Non, mais c'est pas grave, enfin. Bon. Sous le bureau. Non, mais fais comme tu le sens, hein. Tu sais, on est un peu... C'est ce que c'est, la création collective. En général, ça se fait avec des binous. Et là, on a assis certains, mais pas tout le monde. Donc, non, on manque d'inspiration. C'est pas... Voilà. Donc, hein, on est en train de créer ensemble un panneau qui suggérerait la fin des congés autres. Enfin, en tout cas, la limitation. C'est bien, là, on voit, non? Peut-être des petits... Ouais. Merci beaucoup. On l'applaudit ultra fort. Bon, on va essayer de l'embaucher après, mais elle ne le sait pas encore. Elle sera payée en bouton de culotte, parce qu'évidemment, non. Non, mais voilà, c'est une idée. Peut-être on va arrêter doucement, parce que là, j'ai explosé mon temps de travail. Il ne faut pas déconner, mais la loi Hubert Comrie n'est pas encore passée. Par contre, s'il y a des gens qui ont des idées, là, pendant qu'on range, une intention, ça serait que ce travail-là continue. Alors, comme on ne va pas se retrouver là tous les jours, peut-être sur le net, il faudrait un document collaboratif qui prenne des photos, des images. Et comme ça, chacun pourrait dessiner, prendre en photo, poser son image, et ça pourrait faire un truc joli. Donc si vous avez des idées, parce que moi, ça se voit un peu, je suis pas doué, en dessin et en socio-réseau, donc voilà, il faudrait des suggestions. Merci beaucoup.